C'est maintenant le moment de profiter de la méga-vente prix employé fort chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien et Robertval. On a pour vous des rabais incroyables jusqu'à 16 000 en plus de prix vraiment bas parce qu'on liquide les modèles 2019 restants. Vous en voulez plus? On ajoute les rabais fidélité sur certains modèles et les rabais pour les nouveaux diplômés. Et comme on a besoin de véhicules d'occasion, on vous en donne toujours plus pour votre véhicule d'échange. Viens nous voir et toi aussi tu pourras te vanter d'avoir obtenu le même prix qu'un employé chez Ford. C'est un rendez-vous chez Jean-Dumas Ford. On sait qu'en juin dernier, Joël Hébert et Stéphane Girard ont traversé le parc des Laurentides en vélo à 160 km, mais en fin de semaine, Maxime Brassard de Ville-Saguenay a réussi un exploit quand même assez. Lui, il a traversé le parc des Laurentides à la course à pied. C'était pour une œuvre de charité. En ligne, on a Maxime Brassard. Salut Maxime! Salut Dani. Ça fait trois jours, Maxime, que c'est passé. Comment tu te sens? Dani, pour être honnête, les deux, la première journée, ça a été un peu plus difficile. Okay. La première journée après, là. Mais là, regarde, aujourd'hui, je marche normalement, tout se passe bien. Les mollets sont encore un peu raides, là, mais je l'essaie d'émasser. Mais là, c'est comme si j'avais pas couru. Mais, donc, t'as fait ça pour une œuvre de charité. Dans quel but t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? En fait, le projet de courir le parc, c'est un projet personnel que j'avais là en tant que coureur. Okay. Mais bon, la santé mentale pour laquelle j'ai fait la course, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi. Puis, personnellement, je trouve que l'activité physique puis la santé mentale, c'est deux choses qui vont super bien ensemble. Donc, j'ai décidé de joindre les deux ensemble, puis de lever des fonds pour la Fondation Jeunes en tête, qu'elle supporte la santé mentale des jeunes du Québec de 11 à 18 ans, donc les jeunes secondaires. Puis Dieu sait comment qu'ils en ont de la santé mentale, qu'ils ont des problèmes. Avec le COVID, on entend toutes sortes d'histoires avec le décrochage scolaire, que ça a rendu les jeunes plus anxieux et ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça arrive à point en réalité, là. Tout à fait. C'est sûr qu'avec comme c'est dit, là, l'arrivée du COVID, c'est une chose de plus qui se rajoute à la détresse psychologique qu'on peut subir quand on est au secondaire, là, comme exemple, c'est sur l'anxiété, la dépression, l'isolement, troubles alimentaires, tout c'est des choses qui sont déclenchées par des choses qui se passent dans notre tête. Puis, c'est sûr que le COVID n'a pas aidé à la situation, ça c'est certain à 100%. Ouais. Donc, si on venait à la course, tu as commencé où et quand? J'ai commencé la course exactement à 5h AM le vendredi 28 août à partir du Sail à Québec. Donc, okay. C'est vers Charlebourg, là. Puis, j'ai accédé au parc des Laurentides. Donc, j'ai couru par l'ancien parc, donc le boulevard Talbot, l'ancienne route 175 jusqu'à Stoneham. Puis après ça, j'ai enchaîné directement sur la 175, sur l'autoroute. Puis je courais sur l'accotement. Puis je suis arrivé le 29 août, donc le samedi, je suis arrivé à 6h30 PM. Donc ça a pris un total de 37h30 minutes. Est-ce que ça a été plus dur que tu pensais? T'sais, on se met souvent un objectif, on se fixe toujours quelque chose, on voit ça au niveau mental au départ. Est-ce que tu trouvais ça plus dur en réalité? Oui, Danny, pour être honnête, là, j'ai trouvé j'avais de l'appréhension sur la nuit, comment qu'elle allait se passer. Okay. Il a fait beaucoup plus froid que j'avais pensé, dans le sens que j'étais prêt, j'avais le linge pour courir dans le froid, mais la nuit, là, à partir de minuit à 6h, disons, là, jusqu'à temps que le soleil se lève, là, ça a été un peu plus difficile là, de courir dans le froid. Tu sais, notre corps combat déjà ce froid-là, puis tu sais, ça fait déjà 100 km quand j'ai couru, donc j'avais déjà 15 heures de course. Donc le corps, là, il a pas trop, en plus, tu sais, on mange, mais on mange pas assez pour l'énergie qu'on dépense. Donc, c'est juste une dépense d'énergie supplémentaire qui rentre en jeu pour combattre le froid. Donc, j'ai trouvé ça un peu plus difficile, je me suis senti un peu plus isolé, là, mais c'est avec l'équipe que j'avais derrière de moi, qui était Émile puis Jean-François, là, tu sais, eux, ils ont vraiment été ils ont vraiment été d'une aide là, exceptionnelle. Puis ça, je leur dois tout là pour avoir Qu'est-ce que tu cette mangeais? Tu tranche-là. mangeais quoi? Des bortons, du chocolat? Parce que quelque chose qui Ouais. donne de l'énergie, quoi, rapidement, c'est. Ouais, c'est ça, exactement. Là, moi, j'aime bien manger des dattes. Donc, je mangeais des dattes. C'est une bonne nourriture qui se mange bien en courant. Oui, des barres de chocolat. Ça, ça faisait partie de la routine là, de manger après les dattes. Pendant les pauses, j'aimais bien avoir des wraps au beurre de peanut puis aux bananes. C'est une énergie encore qui est quand même assez rapide. Puis durant la nuit, il y a des fois que j'ai mangé de la bouffe, de la nourriture plus chaude, là. Donc de la soupe que j'avais apportée. Ça, c'était plus pour l'aspect mental, j'avouerais que l'aspect besoin de nourriture, là, parce que ça m'aurait vraiment réchauffé le cœur et l'esprit, pour vrai. Ok, dis-moi, quand tu dis pause, est-ce que c'était des longues pauses? Ça dépend, là. Au début, on faisait des arrêts aux 20 km, donc je prenais une pause un peu plus longue, là, 15-20 minutes. Donc je prenais le temps de Ouais. m'asseoir. T'sais, même si j'avais pas nécessairement mal nulle part, je m'assisais juste pour prendre le temps. Puis après ça, j'ai fait des arrêts aux 10 km. Donc après un 10, si j'allais bien, j'arrêtais juste pour remplir l'eau, puis je continuais, je restais debout. Mais après 20 km là, de parcouru, je prenais tout le temps de m'asseoir, à peu près un 15 minutes. Durant la nuit, il y a des fois que j'ai arrêté presque 30 minutes Ouais, parce que c'est ça. j'avais besoin du support moral, là, t'sais, j'avais besoin de me rappeler pourquoi je faisais ça, puis vraiment prendre le temps de bien me réchauffer, peut-être de changer les souliers aussi, là, au besoin. OK, est-ce que tu sais, quand on court un marathon, un demi-marathon, il y a le Ouais. fameux mur. Est-ce que le fameux mur, tu l'as pogné? Ouais, Ouais. je l'ai pogné exactement à 135 km. Je OK. peux savoir exactement là. Ça fait 20 km 135 km, c'est à peu après là. près où l'alignement, la fourche Roberval. Ouais, je pense un peu plus avant là. OK. Un peu plus avant parce que ça, je l'ai traversé puis il faisait clair quand même. OK. Mais c'est avant ça, il était à peu près 3 h du matin, donc j'avais à peu près 30 km de parcouru depuis le départ de l'étape Ouais. là. Puis ouais, là, c'était vraiment c'était dur là. C'est pas que ça me faisait mal techniquement, mais je me posais vraiment la question là, qu'est-ce que je Ouais. fais là? T'sais, j'étais en C'est train de que je fais de courir, cette ça fait. affaire-là, puis c'est C'est que je. ça, là, Ouais. t'sais. Ouais. OK. Exact, tu sais, c'est ça, c'est ces pensées négatives là qui rentrent un peu Ah plus, ouais, c'est mais clair. tu sais, c'est de se rappeler pourquoi qu'on le fait, puis sérieusement, mon mental était quand même bien préparé parce que je savais que j'allais frapper ce mur-là, puis ça a duré peut-être 15 km là, puis aussitôt que le soleil s'est levé là, là j'avais hâte que le soleil se lève parce que je savais que j'allais être plus motivé, plus positif à ce moment-là. OK, ben c'est sûr qu'on fera. J'imagine qu'on frappe un nœud, c'est Ouais, inévitable, là. C'est mais je suis content ouais. quand même, ouais, vas-y. Si t'avais. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais refaire? Ou c'est assez, là? Je l'évite une fois puis c'est bien correct. J'imagine que. Ben, si j'avais à le refaire, ça serait pour essayer de le faire en moins de temps. OK. Parce que là, bon, j'ai le premier défi, c'était de le compléter, là. Ouais, J'aurais c'est aimé sûr. ça, tu sais, au début, j'avais dit 36 heures. Mais bon, si j'avais à le refaire, pour me donner un défi personnel, j'essaierais de le faire en moins de temps. Parce que la distance, techniquement, bon, avec un bon entraînement, je sais que je suis capable de la faire. Mais ouais. Mais peut-être que j'utiliserais une. Je sais qu'il y a un sentier qui fait Saguenay-Québec par les bois, qui sera Okay. un petit peu plus long. Donc, ça pourrait être quelque chose qui soit fait aussi. Mais j'ai aimé l'aventure, j'ai aimé l'équipe qui était là, tout le soutien que les gens ont apporté là. Donc pour ça, pour vrai, je le referais là sans hésiter là, c'est sûr. Okay. Dis-moi, si on parlait un peu des côtes, est-ce que c'est quelque chose il y a quand même des bonnes côtes là? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé difficile? Oui, ben. Je dirais oui, là, c'est sûr que tu sais, c'est des côtes qui sont quand même longues. Pas nécessairement qui sont vraiment à pic, là, Mais c'est que ça monte longtemps, puis quand on a un certain kilométrage dans nos jambes, là, ça peut être plus fatigant. C'est sûr que de Québec à Saguenay, il y en avait un peu plus, puis en arrivant proche de l'étape, c'est sûr que quand j'en voyais une qui s'en venait, bon, j'étais OK, tu rien qui me faisait marcher, mais c'est sûr que mentalement, des fois, c'est hâte que la côte a soit passée, là, parce qu'elle monte longtemps. Mais la côte Simon Couche, là, avant d'arriver à la Terrière, là, celle-là, elle me, c'est comme la dernière côte avant d'arriver au Saguenay, là. Puis celle-là, je l'ai, j'avais la chance d'avoir un ami qui le courait avec moi. Puis, il a vraiment fallu que je me parle aussi parce que là, j'étais un peu tanné de monter, j'étais un peu tanné de monter des côtes à ce moment-là. Puis, j'avais déjà, tu sais, comme 180 km dans les jambes, donc, tout ça accumulé ensemble faisant en sorte que oui, mais c'est pas si pire que ça. On pense que c'est si pire que ça sur les côtes, là. Puis tu sais, j'ai eu la chance de faire mon entraînement dans des sentiers où que l'élévation est beaucoup plus où qu'il y a plus, beaucoup plus d'élévation, donc musculairement, j'étais quand même préparé pour monter ces côtes-là. OK, OK, OK. Ben, comment t'as ramassé finalement? C'est-tu quelque chose que. Est-ce que t'es arrivé L'objectif était de 5000. On a dépassé l'objectif, donc ça, je suis vraiment heureux. Il y a des gens, on est parti avec 2 700 $. Ça, c'était avant le départ, puis de la traversée à 5 h.m. le 28. Puis à la fin, on était rendu là à, j'ai regardé tantôt, on était à 6 900. Donc, ça l'a quasiment triplé, là. Ça s'est fait dans l'espace de 37 heures. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Tu sais, puis je remercie tout le monde qui ont donné. Es-tu le premier au Saint-Lac-Saint-Jean et partout dans le monde à avoir fait ça? La traversée du parc entre Québec et Chicoutimi? Entre Québec et Chicoutimi, là, selon les archives qui n'ont pas été trouvées, puis il n'y a aucune preuve que quelqu'un l'aurait fait, là, je pense que je me considère comme le premier avec preuve que ça a été fait entre Québec et Saguenay, parce que c'est ça, Joël et Stéphane l'avaient fait à la course à pied, là, juste pour un petit rappel, ils l'avaient fait à la course à pied également, de la Terrière à Stoneham, donc c'était 160 km Québec. Ça sera une première fois. Félicitations, bravo, c'est une belle expérience, je pense que c'est quelque chose de génial. C'est une belle initiative également, Maxime. Puis, merci. Au plaisir de se reparler, puis bravo encore une fois. Ben oui, merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup de ton temps. Maxime Brassard qui a fait 209 km à la course à pied entre Québec et Ville-Saguenay en fin de semaine.